8A. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, dans Parlons-en, les caméras de surveillance. Quelle est leur véritable utilité? Jusqu'à quel point notre vie privée est-elle menacée? Pour en parler, des invités de prestige. Madame Pariot, vous êtes sociologue et historienne, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir. Pour vous, l'apparition des caméras de surveillance ne présage rien de bon. Oui, c'est exact. Disons que si on regarde l'histoire, la privation de liberté s'est toujours faite graduellement. Et elle a toujours pris le masque positif de la lutte contre la criminalité, ou le terrorisme, ou d'une invasion supposée. Il est très difficile de s'opposer à des mesures prises pour votre bien. Monsieur Cano, vous êtes capitaine de gendarmerie. Vous êtes ce qu'on appelle un homme de terrain. Vous semblez partager l'opinion de Madame Pariot. Oui, tout à fait. Mais pas pour les mêmes raisons. Les caméras de surveillance n'ont pas diminué la criminalité. Il suffit de faire un tour dans une gendarmerie pour se rendre compte qu'en fait, elles ne dissuadent absolument pas les malfaiteurs et qu'elles sont donc inefficaces. Madame Draman, vous êtes mère au foyer et vous n'êtes pas exactement du même avis. Bonsoir. Effectivement, je ne suis pas d'accord. Parce que même si je n'ai pas accès aux chiffres, dans mon quartier, je vois une différence entre la situation avant l'installation des caméras et aujourd'hui. Les gens sont maintenant plus rassurés, surtout la nuit. Je crois qu'il y a un effet psychologique indéniable qui contribue au vivre mieux. Alors vous, Pascal Laine, vous êtes président de l'Association pour la défense des libertés individuelles et vous tenez un tout autre discours, c'est bien ça? Bonsoir. Je crois qu'il y a deux niveaux. D'un côté, l'efficacité, réelle ou pas, des caméras, et de l'autre, l'espace privé, qui doit demeurer absolument inviolable. C'est une question morale. En tant que directeur de Camerport, la plus grande société de vidéosurveillance du pays, Monsieur Lambert, vous voyez les choses autrement, n'est-ce pas? C'est exact. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur des caméras, je ne crois pas que ces craintes soient fondées. Les enregistrements ne sont gardés que 3 mois et ils sont ensuite détruits. De plus, les caméras ne filment que des lieux publics, je ne vois pas en quoi cela pose un problème pour la vie privée. Lucien Rode, bonsoir. Vous êtes cinéaste et vous êtes notamment l'auteur d'un reportage sur votre quartier à Marseille. Oui, bonsoir. En travaillant sur ce reportage, j'ai mesuré toute la complexité du problème dans un quartier que je connais par cœur. Les caméras canalisent toute la haine des populations jeunes. Elles sont très fréquemment vandalisées. Mais en même temps, elles fonctionnent comme le regard d'un père pour des jeunes qui souvent ont des rapports familiaux difficiles. Ce regard omniprésent est peut-être la dernière chose qui empêcherait ces jeunes de franchir le pas de la délinquance. Eh bien, le débat promet d'être enrichissant et animé. Restez avec nous, nous revenons après un espace publicitaire.